Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Viens, on fait le tour du monde. Viens, on fait chier les gens. Viens, on crache sur notre honte. Viens, on fait les méchants. Viens, on fume un bédo. Viens, on fait un dodo. Viens, après, on se réveille. Viens, après, on reprend le sommeil. Viens, on traîne un peu dehors. Viens, on fait des embrouilles. Viens, on fait un peu de sport. Viens, en fait, je rigole, t'es fou. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Elle aime la vie, mais la vie ne l'aime pas. Elle rêve d'une vie sans soucis, sans angoisse. Elle aime la vie, mais la vie ne l'aime pas. Elle rêve d'une vie où les problèmes n'existent pas. Elle parle à la vie, mais la vie ne l'entend pas. Elle crie ses douleurs, mais la vie ne l'écoute pas. Elle aime la vie, mais la vie ne l'aime pas. Elle rêve d'une vie sans ennui, sans tracas. Elle aime la vie, mais la vie ne l'aime pas. Elle grave sa vie sur l'arbre des enfants malades. Elle parle à la vie, mais la vie ne l'entend pas. Elle brille de ses couleurs, mais la vie ne la voit pas. Elle rit pour que sa vie devienne un monde enchanté. Elle est seule dans sa chambre en train d'étouffer. Elle est seule, elle est seule, elle est seule dans sa chambre en train de s'étouffer. Elle aime la vie, mais la vie ne l'aime pas. J'écris ma peine, je vide mon sac. J'évite la haine, je le constate. Moi j'aime écrire, moins de dégâts. Aujourd'hui oui, mais demain pas. Dépenser mes pensées sur un cahier rouge, sur un clavier noir, des mélodies si douces, sur des notes un peu noires. J'écris mes pensées noires, oublie toutes mes gloires, oublie tout mon savoir. Mais qui donc je peux voir, personne me comprendra. Un stylo à la main, des larmes collent au bout de mes doigts. Je suis ce que je suis, tu es ce que je dois tuer. Un défaut, une qualité, des défauts, une quantité. Une personne qualifiée est une personnalité. Dans le tournoi de la vie, je suis une personne qualifiée. Et le temps passe, comme à chaque fois, mais je m'en passerai bien de toi. Arrêtez vos conneries. Yeah, yeah. Arrêtez vos conneries. C'est bon, c'est bon, c'est bon, vous m'avez bien fait galerie. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Et je fus dans le train de la vie par la fenêtre. Je vis un décor à l'horizon avec la peinture de mon imagination. J'aime cette ambiance qui ambiance mon ambiance. Cette alliance en confiance des gens dans l'insouciance. Je répète, j'aime cette ambiance qui ambiance mon ambiance. Cette alliance en confiance des gens dans l'insignifiance. Je me rectifie, loin, partir loin. Rêver de tout et de rien. Dans le train de la vie, je déraille de mon chemin. Emporté par les rêves, les ambiances actuelles. Importez-moi les rêves dans mon monde irréel. Importez-moi les rêves dans mon monde irréel. Importez-moi les rêves dans mon monde actuel. Yeah, yeah, je vais laisser rêver. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, je vais me laisser rêver.